la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ainsi s'ouvre le livre de Daniel, qui nous plonge dans une époque bien différente de la nôtre, lorsque l'empire babylonien s'étendait sur tout le monde antique. La troisième année du règne de Joachim correspond à l'an 605 avant l'ère chrétienne. C'est la date de la première déportation de Juifs à Babylone. Deux autres déportations suivront, respectivement en 597 et 586 avant Jésus-Christ. Mais dès l'an 605, Nebuchadnezzar s'arroge des droits sur l'élite de la jeunesse juive. Nous lisons, toujours dans le premier chapitre du livre de Daniel, « Le roi donna l'ordre d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. » Versets 3, 4 et 6. Nebuchadnezzar ne s'est pas contenté de fournir à ces jeunes gens des maîtres pour les enseigner dans la culture chaldéenne. Il est allé jusqu'à régler leur existence quotidienne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel chapitre 1, verset 5. Ainsi Nebuchadnezzar a tout organisé pour les 4 jeunes Hébreux. Il a fixé le programme de leurs études, il a choisi l'environnement auquel ils devaient s'assimiler, et surtout, il tenait à ce qu'ils se soumettent aux rites religieux en usage à Babylone. Il voulait à tout prix les couper d'avec leur passé et les soustraire à l'enseignement et à l'influence de la religion reçue de leur père. Cette intention est du reste clairement démontrée par les noms que Nebuchadnezzar a imposés à Daniel et à ses 3 camarades, des noms directement en rapport avec les divinités païennes qu'ils étaient invités à adorer et servir. C'est ce que nous montre le verset 7 de ce premier chapitre de Daniel. On prête à saint Augustin cet adage. « Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid dans vos cheveux. » Daniel et ses amis subissaient à leur corps défendant la déportation, la captivité, l'enseignement d'une culture étrangère et même l'ambiance corrompue de la cour de Babylone. Mais ils n'ont pas pour autant renié leur foi au Dieu vivant, et lorsqu'ils ont senti que leur liberté de conscience était menacée, ils ont immédiatement réagi. Relisons, si vous le voulez bien, les instructions prescrites par Nebuchadnezzar quant à leur régime alimentaire. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Or, ce vin et ces viandes avaient préalablement été présentés aux divinités païennes en signe de soumission et de vénération. Cela, Daniel et ses amis ne pouvaient l'accepter. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 8. En réagissant de la sorte, Daniel ne s'opposait pas à un régime alimentaire qui ne lui aurait pas convenu, mais à une souillure spirituelle qui aurait perturbé ses relations avec Dieu. C'est comme s'il avait compris déjà à cette époque un principe que l'apôtre Paul expliquera beaucoup plus tard aux chrétiens de Corinthe. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Aucune idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 20. Pour Daniel, l'idole n'était qu'un objet de bois ou de pierre, recouvert d'or ou de pierres précieuses. Mais derrière l'idole, il discernait les démons et les puissances du sous-monde qui asservissaient tout un empire. Il fallait sans doute du courage pour oser affronter l'administration du palais et s'opposer à un ordre décrété par Nebuchadnezzar lui-même. L'empereur babylonien était vénéré comme un dieu, il avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Cependant, Daniel était résolu, et parce qu'il était résolu, Dieu a pris sa cause en main pour lui faire trouver grâce devant l'autorité compétente. Hélas, il manque à l'église de Jésus-Christ des hommes et des femmes résolus comme Daniel à ne pas se souiller ni avec le péché qui flétrit la conscience, ni avec le monde dont l'ambiance nous envoûte, ni enfin avec les idéologies contemporaines qui aliènent l'esprit. Parce que Daniel était résolu dans son cœur, Dieu a pris en main sa cause et a fait tomber tous les obstacles devant lui. L'Écriture dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Proverbe 16, 7. L'Éternel a approuvé la démarche de Daniel et il a fléchi le cœur de l'intendant du palais qui a emporté les viandes et le vin destinés à Daniel et à ses amis et leur a donné à la place des légumes à manger et de l'eau à boire. C'était là un vrai miracle, car cet intendant risquait gros en accordant cette dérogation à l'ordre du souverain. Cependant, Daniel lui avait proposé un test. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Daniel 1, versets 12 à 13. « Éprouve tes serviteurs, et tu agiras ensuite selon ce que tu auras vu. » L'épreuve seule permet de mesurer la valeur d'une attitude de foi. Pendant 10 jours, Daniel et ses camarades se sont nourris de légumes, et le Seigneur s'est plu à les approuver, à les honorer et à les bénir. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Daniel 1, 15. Des siècles plus tard, le Seigneur s'est adressé à l'église de Smyrne en Asie mineure pour lui annoncer « Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. À travers ces 10 jours de tribulation pour l'église de Smyrne, le Seigneur entrevoyait prophétiquement les 10 périodes de persécution de l'église chrétienne durant les 3 premiers siècles. Mais il a alors pris soin du christianisme naissant à l'époque héroïque des catacombes et l'église s'est fortifiée et affermie durant ces 10 périodes de persécution. Mais revenons à Daniel et à ses amis. Ils ont renoncé à ce qu'était leur droit pour ne pas ternir leur communion avec leur Seigneur. Ils se sont volontairement soustraits aux orgies d'une cour idolâtre. Et le résultat de leur consécration, le voici. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel, chapitre 1, versets 17 à 20. Peut-être y a-t-il parmi vous, chers auditeurs, un jeune homme, une jeune fille, tenté par tous les plats alléchants que vous présente une civilisation axée vers les plaisirs. Le régime proposé à la cour de Satan, le prince de ce monde, vous attire. Mais, en cet instant, ressaisissez-vous. Prenez exemple sur Daniel, ce jeune homme qui, humainement, n'avait rien. Il avait été arraché à ses racines familiales, déporté à 1000 kilomètres de chez lui. Il était apparemment destiné à une existence servile à la cour du super dictateur de son époque. Néanmoins, il était résolu en son cœur. Et Dieu a pris soin de lui. Il a même fait de lui le premier ministre du plus grand empire de son temps. Ainsi, Daniel a pour ainsi dire expérimenté par avance la bénédiction que le Seigneur Jésus avait promise à ses disciples fidèles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Bien sûr, vous qui m'écoutez, il est peu probable que vous deveniez un jour premier ministre. Mais tout de même, en suivant le Seigneur et en recherchant ce qui lui est agréable, en renonçant à ce que le monde vous propose, vous connaîtrez l'existence la plus heureuse, la vie la plus fructueuse, la vocation la plus authentique. Et même si cette intégrité vous coûte des renoncements, suscite l'incompréhension ou le mépris autour de vous, vous le constaterez. Dieu vous réservera des joies suprêmes, des bénédictions évidentes et, sur le plan éternel, une récompense qui dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. Alors, décidez-vous pour Dieu. Soyez résolus dans votre cœur et mettez votre vie à l'entière disposition de votre Seigneur aujourd'hui même.